Et alors nous allons enchaîner avec le moment un petit peu clash hein, de l'émission. Hein. C'est le pantouf dans la gueule de Léa. Je rappelle que Léa a une minute pour démolir un grand classique. Cette semaine, Léa, tu fais ton bashing sur qui ou sur quoi? Alors, je fais mon bashing sur... Je suis désolée, hein. Je suis désolée d'avance. Ouais. Sur Fight Club. Oh, ça va okay. Fighter. Ça va, oh, bien joué. Ouais, tout le monde qui va te fighter. Le génie technique de David Fincher n'est plus à démontrer et pourtant c'est la plantade. Déjà le narrateur n'a pas d'identité, probablement pour foutre toute l'humanité dans le même panier. Le mec est paumé, il nous raconte sa life qui est franchement pas intéressante. Il rencontre Tyler Durden, Brad Pitt, et pouf, il va laisser tomber sa société de consommation adorée pour aller foutre des droites gratos. On nous vend un film rebelle et philosophique alors que finalement le héros de cette pseudo-contestation est fringué comme un prince, a une coupe de cheveux blancs des gels et porte des lunettes de soleil de star. La société de consommation comme source du mal, déjà c'est ridicule. Mais réaliser un film à la mode et ultra consommable pour servir ce propos, c'est pire et incohérent. C'est de l'anarchisme du dimanche pour faire croire que c'est profond et subversif, alors que c'est juste une apologie de la médiocrité et du terrorisme. Une sorte d'American Psycho à la sauce Matrix, sauf qu'avec deux chefs-d'œuvre et un livre génial, apparemment on peut faire quand même un mauvais film. Le film court après le message puissant du livre, mais ne nous livre qu'une espèce d'illustration de la libération par l'extrême violence physique. La mise en scène de Fincher est tellement scolaire, elle ne fait qu'illustrer le propos avec une photographie glauque, un montage schizophrénique et une bande-son stridente. Ma faillite à moi est contre ce genre de film. Oula. Je m'en vais. Bravo.